بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, celui qui fait largement miséricorde. قل أعوذ برب الناس. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. ملك الناس. Roi des hommes. إله الناس. Divinité véritable des hommes. من شر الوسواس الخناس. Contre le mal du démon qui insuffle le mal, et se dérobe lorsqu'Allah est évoqué. الذي يوسوس في صدور الناس. Qui inspire le mal dans le cœur des hommes. من الجنة والناس. Que ces insufflations proviennent des djinns ou des hommes.